D'avoir trop admiré les perruches et autres attractions de même ordre, M. Dumanet et M. Matou de la Mayonnaise furent malades pour tout de bon. Sans aucune blague, sans sortie subreptice, ils durent garder la chambre pendant plusieurs jours. Même ils unirent leurs souffrances et, incapables de supporter l'extrême fatigue des courses dans les magasins ou des flâneries à l'exposition, ils passèrent leur temps à faire des besiques successives dans la chambre de Madame Dumanet. Celle-ci était la plus grande et la plus gaie de toutes, et ils y étaient tranquilles, sauf aux instants où l'on apportait des magasins d'immenses cartons et d'énormes factures. Est-ce qu'il en venait de ces cartons et de ces factures? Jamais M. Dumanet n'eût imaginé que pour se marier il fallait tant de choses. De son temps, ça ne faisait pas tant d'histoire, et il se rappelait que le trousseau de la belle Joséphine avait été plutôt sommaire. Comme ils étaient en train de jouer, et à l'instant même où il venait de faire des réflexions au sujet des mœurs du jour, le chasseur ouvrit la porte et annonça la lingère. Elle entra, suivie de deux garçons de magasin qui portaient d'immenses caisses couvertes de toiles cirées. « Pouvons-nous déposer la lingerie, monsieur le comte ?» demanda la demoiselle assez pimpante et jolie. « Je suis chargée de faire la livraison et de la disposer moi-même. »« Pardon ?» fit monsieur Dumanet qui s'est élevé. « Mais il doit y avoir une erreur. »« Je ne crois pas, monsieur. » « Madame la comtesse nous a bien dit qu'à cette heure-ci, nous trouverions monsieur le comte qui réglerait. »« Pardon, mais de quelle comtesse parlez-vous ? » La jeune femme répondit en présentant la facture. « De madame la comtesse Dumanet. »« Ah ! » fit monsieur Dumanet interdit, louchant sur monsieur Matou pour apercevoir sa tête. « Ah, parfaitement !» Il s'en fut ouvrir la malle de sa femme, où l'argent se trouvait serré dans un vieux portefeuille de chagrin caché entre les plis d'une robe, en sortit deux billets de 1 000 francs et revint vers la demoiselle de magasin qui disposait sur le lit des pantalons, des petits pantalons légers comme des nuages, ornés de sabots de dentelle relevés par des nœuds de moire jaune. Ces nœuds attirèrent l'attention de M. Dumanet. « Quelle drôle de couleur a choisi ma fille ? » dit-il enfin. « Ce jaune est surtout dans ces conditions-là, c'est... »« Mais, » répondit la jeune femme, « ce n'est pas pour mademoiselle, c'est pour madame la comtesse. » « Ah, les pantalons sont pour ma femme. Je croyais que tout était pour ma fille. Non, tout est pour madame la comtesse. » Cette révélation ahurit totalement M. Dumanet. Comment sa femme faisait faire pour 2 000 francs de pantalons et autres balançoires? C'était raide. Il dit, majestueux, « Vous voudrez bien, mademoiselle, remporter toutes ces choses. Madame Dumanet ira s'expliquer au magasin. Comme elle ne m'a pas prévenue de cette dépense, je préfère ne pas régler sans qu'elle en soit informée. » La demoiselle répondit, « Monsieur le comte n'a pas besoin de payer, nous laissons les fournitures, nous avons confiance. » Elle sortit en faisant un léger salut. Monsieur Dumanet montra d'un geste découragé les commandes de sa femme qui couvrait le lit, la table et les sièges et dit ce seul mot, « Hein ?» Depuis qu'ils s'étaient rencontrés devant les perruches, Monsieur Dumanet était devenu le complice de Monsieur Matou et réciproquement. M. Dumanet avait confié à M. Matou que Joséphine était terriblement effrontée et sensuelle, et M. Matou lui avait confié en retour qu'Élodie n'était pas amusante tous les jours. Mais M. Dumanet, qui se trouvait excusable, considérait que M. Matou n'avait aucun motif de tromper la femme chaste et fidèle qui gardait son foyer. Il se rassit mélancoliquement et, reprenant ses cartes, fit cette réflexion étonnée. « C'est ma fille qui se marie, et c'est ma femme qui se fait faire un trousseau. » M. Matou, qui était arrivé à Paris avec des projets sur Madame Dumanet, les projets que sa femme devinait et qui l'inquiétaient si fort, n'avait pas accepté la désinvolture avec laquelle, dès le premier soir, elle l'avait lâché pour le colonel comte de l'Étoile. Il ne voyait d'ailleurs pas d'un bon œil cet individu louche et inquiétant que Paul affirmait être un juif, mais il ignorait les révélations faites à M. Dumanet par Ondine de Panama. Depuis quelques jours, il était souffrant et n'avait suivi que de loin les évolutions de l'impétueuse Joséphine. Il ignorait la presque disparition du colonel et le béguin inspiré par le vicomte de Naft. Certes, la môme Framboise et d'autres petites bonnes femmes rencontrées dans la rue de Paris ou même ailleurs avaient amplement dédommagé M. de la Mayonnaise des dédains de Madame Dumanet, mais tout de même, il n'hésita pas à envoyer une petite méchanceté à son adresse. D'un air très naïf, il demanda, en indiquant de l'œil les jolis pantalons déployés sur le lit, jambes ouvertes, dans une envolée de dentelles et de rubans, « Pour qui se met-elle ainsi en frais ?» M. Dumanet ne se fâcha pas. Il se formait peu à peu, et lui sembla que le mieux était de prendre avec esprit ce qu'il ne pouvait empêcher. Il leva les yeux au ciel et répondit « Je ne veux pas, je ne dois pas croire que ma femme ait manqué à ses devoirs essentiels. Mais il est évident qu'elle se fait faire la cour par... » Et emportée par son sujet, n'ayant plus aucun ménagement à garder, puisque M. Matou était au courant de tout, il acheva « Par cet affreux juif !» M. de la Mayonnaise demanda « Quel affreux juif ? Le colonel ? Est-ce que... » « Tiens, tiens, tiens !» Mais leur Paul avait raison. « Ah, c'est un youtre, ce faux colonel de malheur !» Confidentiellement, M. Dumanet déclara « C'est pas seulement un youtre, c'est aussi un voleur. »« Oh bah, comment savez-vous ça ?»« Par une amie à moi, qui connaît M. Salomon Stern. C'est elle qui m'a mis en méfiance. Il a volé d'ailleurs, volé ma femme, qui ne s'en doute seulement pas, et ensuite la vôtre, qui n'a pas non plus le moindre soupçon. »« Comment ?» fit M. Matou effaré. « Comment, c'est lui qui a pris notre bijou de famille ? Mais comment a-t-il pu procéder pour soustraire cette broche ?» Il s'arrêta, réfléchit et dit avec un soupir « Je la trouve changée depuis quelques jours, ma femme. Elle semble absorbée. Je lui crois des préoccupations d'un ordre nouveau. Et pourtant... » La porte fut violemment ouverte et Madame Dumanet entra en bombe. À la vue des deux hommes jouant aux cartes au milieu des lingeries étalées, elle demeura sur le seuil, surprise. Monsieur Dumanet s'excusa. « Nous jouons dans ta chambre parce qu'elle est la meilleure, ma bonne. Mais nous allions déguerpir comme nous le faisons chaque jour. C'est que tu rentrais plus tôt. » La belle Joséphine ne semblait pas de bonne humeur. Elle répliqua sèchement. « J'ai eu tort, c'est évident. » Monsieur Matou, qui remettait les cartes dans leur étui, demanda « Est-ce que ma femme est là ?»« Non, elle dîne avec votre frère et les enfants, je ne sais où. »« Et vous ?» fit timidement Monsieur Dumanet. « Vous ne dînez pas avec eux ?»« Probablement. » « Puisque je viens de vous dire que je ne sais pas où ils dînent. »« Ah, et vous, où dînez-vous ? Si on vous le demande, vous direz que vous n'en savez rien. » Très embêté de se voir traité de la sorte devant M. de la Mayonnaise, M. Dumanet, pour la première fois de sa vie, regimba. « Vous m'obligerez en me parlant sur notre ton. Et en faisant effacer sur vos factures, que vous paierez comme bon vous semblez, soit dit entre parenthèses, un titre de comtesse qui me paraît un peu surprenant. » Un instant décontenancé, la belle Joséphine se remit vite. Il est d'usage entre gens bien élevés de laver leur linge sale en famille. Mais M. Matou, s'il n'est pas encore de la famille, va en être au premier jour, ce qui excuse un peu votre incorrection. Et si vous me priez de payer cette note, comme bon me semblera, je vous dirai qu'il me semble bon que ce soit avec l'argent qui est à nous et que vous dépensez avec des créatures. Ah ! Fit M. Dumanet tout à fait hors de lui. « Il y avait longtemps qu'on en avait parlé des créatures. »« Je me retire, » dit M. Matou déconcerté. « Je vous dérange. » Madame Dumanet eut un geste indifférent, et son ex-amoureux s'éclipsa en pensant. « C'est égal, elle était bien plus gentille à Pont-sur-Orne. » Dès qu'il fut parti, M. Dumanet, qui était vraiment déchaîné, marcha vers sa femme et dit « Je veux savoir où vous dînez. »« Eh bien, je dîne à la Feria, et voilà. » « Avec qui ? Toute seule ? En voilà une craque. Et d'abord, vous y avez déjà été à la Feria ?» Madame Dumanet répondit en haussant les épaules d'un air de pitié. « C'est justement pour ça que j'y retourne. » Puis indiquant la porte, elle acheva. « Je voudrais bien m'habiller en paix, vous savez. » M. Dumanet s'en fut sonné à la porte de M. de la Mayonnaise et une fois chez lui, demanda. « Comment vous trouvez-vous ce soir ? Mieux, beaucoup mieux. Eh bien, voulez-vous que nous allions dîner à la Feria ? À la Feria, mais il faut y retenir une table 8 jours d'avance. Précisément, j'en avais une pour aujourd'hui que j'ai oublié de décommander. Ma femme me dit qu'elle y va dîner seule. Je serais curieux de voir ça. Moi aussi, je serais curieux de voir ça. Comment dînons-nous ? Je veux dire, dînons-nous seuls ou avec des petites femmes ? Je crois, fit M. Dumanet prudent, qu'aujourd'hui il est plus sage de dîner seul encore. M. de la Mayonnaise répondit avec regret. « Vous avez peut-être raison, et c'est dommage. Gaudriole à part, j'aime la société de ces petits êtres d'origine obscure et d'éducation incomplète. En leur compagnie, je me réjouis infiniment. » M. Dumanet conclut. « Oui, certainement, mais il faut se faire une raison. » Quand M. Matou de la Mayonnaise et M. Dumanet entrèrent à la Feria, la soirée battait son plein. La salle, bondée comme toujours d'habillés de fraîches toilettes, était vraiment amusante à voir avec son air de grande lanterne japonaise et son tapage mi-partie vaisselle, mi-partie mandoline. « Ah !» dit un garçon en apercevant M. Dumanet qui s'arrêtait intimidé à l'entrée. « C'est bien monsieur qui a retenu la petite table du coin. »« Oui, » fit M. Dumanet. « Je croyais que monsieur ne viendrait plus. » La table était près de l'entrée, dans la porte même. On avait d'autant d'air que faire se pouvait. Ils étaient assis depuis un instant lorsque la belle Joséphine fit son entrée. Droite et mince, elle se faufila entre les dîneurs sans rien renverser et fut s'asseoir à une petite table placée tout près de la scène et où un seul couvert était mis. Et l'étonnement de M. Dumanet fut grand de voir que sa femme avait l'air d'être chez elle. Elle était allée droit à cette table qui, évidemment en retenue, l'attendait. Les garçons la saluaient et il semblait à M. Dumanet que les mandolinistes eux-mêmes souriaient en la regardant comme une connaissance. « Prenez garde de vous montrer, » dit M. de la Mayonnaise. « Il n'y a pas de danger, la colonne empêche. Je suis obligé pour voir de me pencher. Eh bien, ne vous penchez pas trop, si vous ne voulez pas qu'elle vous aperçoive. » Le garçon qui les servait venait en passant devant la belle Joséphine de la saluer d'un bonjour ami. M. Dumanet n'y tint plus, il demanda. « Quelle est donc cette dame en jaune qui est seule à une table ?» Le garçon, un bon gros joufflu tout rose, l'air malin et réjoui, répondit. « Comment donc déjà son nom? Je sais plus trop. » Il cligna de l'œil et acheva. « C'est une comtesse qui vient pour le nègre. »« Oh !» fit M. Dumanet saisi. « Oh, vous êtes sûr ?»« Dame, elle ne me l'a pas dit, vous pensez bien, mais c'est facile à voir. Elle est venue dîner une fois avec sa famille et depuis elle revient tous les soirs. D'ailleurs, tenez, vous n'avez qu'à regarder. » Il était de toute évidence que des signes s'échangeaient entre Mme Dumanet et le nègre qui venait d'entrer. Le pauvre mari s'épongea le front. Un juif et un nègre, c'était beaucoup. Et M. Matou de la Mayonnaise dit, pensant tout au malgré lui, « Nous aurions mieux fait de ne pas venir. » Il est certain que si M. Dumanet s'attendait à bien des choses, il ne s'attendait certainement pas à celle-là. Il murmura, tandis qu'il suivait de l'œil les mouvements de sa femme. « Sapristi, si ça continue, où ça s'arrêtera-t-il » M. Matou cherchait des paroles rassurantes qu'il ne trouvait pas. Subitement, le nègre se mit à chanter d'une voix stridente et à danser d'une façon qui terrifia M. Dumanet. Il se demanda si vraiment il était possible que sa femme eût pour cet homme, qu'il jugeait lui épouvantable, un caprice formel. Cette question qu'il se posait à lui-même, il s'entêta malgré les efforts de M. Matou à la poser au garçon, et il éprouva un soulagement relatif quand le garçon répondit en haussant les épaules. « Ah mais non, elle voudrait bien, mais lui, il n'aime que les jeunes. » « Comment il n'aime que les jeunes ?» questionna M. de la Mayonnaise que cette histoire intéressait. « On dirait vous entendre qu'il n'a que l'embarras du choix. »« Mais bien sûr, monsieur. » Et il ajouta, philosophe, en regardant M. Matou d'un air de bienveillante pitié. « On voit bien que monsieur ne connaît pas les femmes. » Cette réflexion qui vexa M. de la Mayonnaise sembla profonde comme la mer à M. Dumanet. Il était en train de s'avouer à lui-même qu'il s'était fourré jusqu'au coude, le doigt dans l'œil. Fier de la devise choisie par le conseil de la petite bicycliste, « Balancez vos dames !» Il reconnaissait avec humilité que c'était lui surtout que sa dame avait balancé. M. Matou de la Mayonnaise voyait son embêtement et ne faisait rien pour l'atténuer. La pensée qu'il n'était pas le seul éclaboussé par la boue de la grande foire parisienne eût adouci certainement le chagrin du pauvre mari. Mais M. de la Mayonnaise avait une âme beaucoup trop petite et un respect humain beaucoup trop grand pour avouer que dans l'ordre purement sentimental, il avait été vaguement trompé lui aussi par l'excellente Madame Matou. Comme toutes les femmes, dont la vie est absolument incolore et plate et qui n'ont rien dans la tête et pas grand-chose dans leur cœur, Madame de la Mayonnaise écrivait chaque soir son journal. Cette habitude qui remontait au premier temps de son mariage avait été deviné par M. Matou, et depuis le premier jour, il avait lu à son insu toutes les rêvasseries bêtasses où jusqu'ici le rôle qu'il jouait était toujours le premier. Toutes ses jalousies, ses inquiétudes, ses soupçons, Madame de la Mayonnaise les avait consignées soigneusement pour la plus grande gloire du mari vaniteux qui se souciait si peu d'elle. Et voilà que depuis 3 semaines qu'ils étaient à Paris et qu'il trompait sa femme à cœur joie, cachant soigneusement ses frasques pour éviter tout tracas, mais regrettant, au fond, de ne pas savourer sa jalousie, il découvrait en lisant le fameux journal que son rôle n'était plus que de second plan. Le colonel comte de l'Étoile d'abord, et ensuite un certain Diego Lalaïtovski avait inspiré à l'épouse fidèle, mais non plus amoureuse, des réflexions et des images qui indiquaient que si les actes étaient très purs, les désirs ne l'étaient pas du tout. Où sa femme avait-elle rencontré ce Lalaïtovski qu'il ignorait totalement, c'est ce qu'il ne parvenait pas à deviner. Il regrettait presque de s'être mis, dès l'arrivée à Paris, à faire bande à part. Ce qu'il avait trouvé utile au point de vue de sa liberté et de ses freudaines était précisément de nature à augmenter l'indépendance de Madame Matou et par conséquent à diminuer son autorité et son prestige. Il se garda bien de confier au bon monsieur Dumanet toutes ces choses, mais il émit seulement cette proposition assez judicieuse. « Il me paraît que nous n'avons plus grand-chose à faire ici, que vous ensemble. »« Ici ?» fit monsieur Dumanet qui mangeait lentement sa salade. « Ici ?» Mais il me semble que nous y sommes très bien. » Il se pencha pour apercevoir sa femme qui dévorait toujours des yeux le nègre danseur et ajouta d'un air navré. « Très bien, relativement. »« Vous ne m'entendez pas, » dit monsieur de la Mayonnaise. « Il ne s'agit pas de presser notre dîner, mais notre départ. Chaque jour aggrave la situation. Nous avons fait tout ce que nous devions faire. » Il s'arrêta puis reprit dans un éclair de franchise. Et quand je pense que nous sommes venus à Paris pour surveiller Paul, qui est le seul raisonnable. « C'est vrai, » dit M. Dumanet, « il ne lâche pas d'un cran sa mère et sa fiancée. » Le garçon, qui avait remarqué avec quelle curiosité intense il regardait la comtesse du Nègre, interrompit leur conversation pour dire « Regardez-la applaudir, regardez-la, est-ce drôle ?»« C'est bon, » fit sèchement M. Dumanet, « donnez-nous l'addition. » Le lendemain, M. Matou de la Mayonnaise, qui avait du vague à l'âme, voulut aller trouver la môme Framboise. Mais il eut beau se présenter deux fois dans la journée à ses heures de réception habituelles, il ne fut pas reçu et comprit à la tête de la femme de chambre qu'il était consigné. Alors il s'en fut au Trocadéro. Il avait fait la connaissance d'une marchande de nougat qui manquait totalement de distinction, mais qui était pleine d'abandon et de bonne volonté. Comme elle n'était libre que tard, il voulait seulement lui demander si elle pourrait lui consacrer la fin de sa soirée. Mais il trouva installé près d'elle un nègre superbe, qu'elle lui présenta d'ailleurs sans aucun embarras, en disant « C'est monsieur Moboulakar, mon nouvel ami. » Monsieur Matou de la Mayonnaise fut très froissé de cette désinvolture. Il eut beau, en regardant Zulema, c'était le nom de la marchande de pâtes, se dire que, comme toutes les orientales, elle était à ramasser à la cuillère. Il dut s'avouer tout de même que c'était très agréable à ramasser, et s'éloigna furieux et découragé. Certes, il ne manquait pas de femmes à Paris, et même pendant l'exposition, l'offre demeurait supérieure à la demande, mais en ce jour de spleen, l'idée d'une nouvelle conquête l'effrayait. Il revint donc à l'hôtel avec le projet d'attendre sa famille et de dîner avec elle pour cette fois. Il y trouva sa femme en pleurs. L'oncle Arthur était arrêté pour avoir voulu, dans les profondeurs de la pagode, être trop aimable avec une jolie américaine débrouillarde et que de fausses pudeurs européennes n'embarrassaient pas. La jolie américaine avait fait constater par un gardien de la paix, qui s'était trouvé là juste à point, les entreprises flagrantes de l'oncle Arthur et on les avait emmenées tous au commissariat de police. Paul y était resté, mais il serait peut-être bon de le rejoindre. Et la bonne Madame Matou joua de la haute personnalité qui, d'habitude, avait toujours raison des résistances de son mari. Mais cette fois, M. de la Mayonnaise resta sourd à tous les appels faits à sa vanité. Il déclara formellement qu'il ne bougerait pas et que l'oncle Arthur pouvait bien aller au bagne sans qu'il se mêlât le moins du monde de l'en empêcher. Il en avait assez à la fin de celui-là comme du reste. D'ailleurs, on partirait le lendemain. Il était en cela d'accord avec M. Dumanet qui en avait assez aussi. Madame Dumanet venait de rentrer. Sans doute elle avait eu un déboire profond à en juger par sa physionomie plus ravagée encore que de coutume. Et elle accepta l'offre de Madame Matou de dîner à l'hôtel. Monsieur Dumanet avait voulu profiter d'une de ses dernières journées et il avait dirigé ses pas vers la rue de Moscou. Des quelques petites femmes connues pendant ces trois semaines, Ondine de Panama était celle qui lui avait laissé le meilleur souvenir. Et puis il avait lu dans un journal qu'elle était parente de M. Loubet et ça l'avait enchanté. Il fut reçu par Madame de Panama mère qui lui signifia poliment son congé définitif. Il n'était pas généreux assez au goût de la petite cocotte. À 8 heures, Paul rentra seul et éreinté. L'oncle Arthur ne serait lâché que le lendemain matin. L'on se mit à table. La duchesse de Cordapensia dînait aussi à l'hôtel ainsi que le colonel comte de l'Étoile et le vicomte de Naft. Et tout à coup, au rôti, l'on va t'arrêter pour vol le nommé Salomon Stern, dit le colonel comte de l'Étoile. Le vicomte et la duchesse étaient priés de se tenir à la disposition de la justice. Madame Matou de la Mayonnaise pleurait, navrée de voir ainsi souffler sur ses illusions les plus douces. Elle s'obstinait à ne pas croire que son héros de roman, le colonel sympathique et charmant qu'il avait tenu serré contre son cœur sur le trottoir roulant, fût un voleur et surtout un juif. Et en montant dans le train qui les ramenait à Pont-sur-Orne, tous, sauf Paul, pensaient que la Providence avait pris plaisir à les rouler. Chacun avait raté le but qu'il voulait atteindre et revenait grogeant comme devant. M. Dumanet seul rapportait une demi-indépendance due à l'histoire du nègre qui lui donnait en quelque sorte barre sur sa femme. Les autres s'en aperçurent tout de suite avec une sorte de stupeur. En route, Mme Dumanet dit brusquement à son mari, sans prélude, « Dès que nous allons être rentrés, vous allez écrire au pape. »« Moi ?» fit le pauvre Mahury. « Moi, écrire au pape ? Pour quoi faire ?»« Pour obtenir la régularisation de notre titre, vous écrirez immédiatement. » M. Dumanet secoua la tête et répondit à l'ahurissement général « J'écrirai si je veux. » Ainsi s'achève « Balancez vos dames » par Gippe.